Monsieur Ghislain Lamotte et tout le personnel de Construction Unibec remercient sa clientèle et vous souhaitent une très belle période des fêtes. Construction Unibec, c'est un entrepreneur général qui œuvre dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale et industrielle. C'est aussi un moteur économique pour Dolbeau-Mistassini avec plus de 125 employés. Construction Unibec, 1041 rue des Peupliers, Dolbeau-Mistassini, 418-276-4140, www.unibec.ca. Cahouette Thériault et Associés, c'est Sénat d'Aigref de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Gendron, profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle ainsi qu'à la population. Et rappelle d'être prudent en ce temps de réjouissance. Pour tout besoin d'appâtage, contactez le 418-24-78 ou encore le 275-51-51. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. On va parler de basketball avec notre ami Pascal Jobin. C'est la rétrospective de la NBA, de la NCAA et un peu du Canada également, du basketball. On en parle avec Pascal Jobin. Salut Pascal. Salut Danny. Pascal, l'année 2016-2017 dans la NBA, c'était une année dominée par les Warriors de Golden State. Les Warriors qui avaient été chercher Kevin Durant. Et on pensait vraiment ça... T'sais, pour éliminer les Cavaliers, parce qu'en 2016, ça avait été une finale historique, parce que les Cavaliers tiraient de l'arrière 3-1, avaient remonté, avaient gagné. Et ça a été, on pourrait dire, un walk in the park en 2017 pour les Warriors de Golden State. Ben oui, t'as raison de dire ça. Ça a été une saison intéressante. Juste pour commencer, ça a été la retraite de Kobe Bryant. Oui, c'est vrai aussi. Ça, donc on a une vedette, un joueur qui va être au temple de la renommée qui quitte. Il y a quand même plusieurs joueurs qui ont pris leur retraite, mais Kobe Bryant, c'est probablement le plus gros nom. Si je me trompe pas, Kevin Garnett aussi avait arrêté de jouer au basket. Mais oui, c'était la décision de Kevin Durant de se joindre à l'équipe qui venait juste d'avoir éliminés en série. Parce que Kevin Durant menait 3-1 en passant, Danny, contre les mêmes Warriors-là. Il menait 3-1. Ils ont perdu contre les Warriors. Et je pense que les gens, où ce que ça les a irrités, c'est le fait qu'il s'est joint à l'équipe qui l'avait éliminé. Oui, c'est ça. Ça, c'est numéro un. Et c'est sûr que là, tu te joins à l'équipe qui avait fini la saison avec 73 victoires. LeBron James a amené le premier championnat dans l'Ohio. Pour les Cavaliers, écoute, ce qu'il a accompli, selon moi, c'est vraiment phénoménal d'aller chercher ce championnat-là. T'as raison, on perdait 3-1 dans la série, on est revenu, on a gagné. Kyrie Irving, un tir spectaculaire au match pour s'assurer de la victoire. LeBron James, on se souvient de son contre Andre Iguodala. Mais ça a été une très, très belle victoire d'équipe et on a vu la supériorité de LeBron et de Kyrie Irving. Et là, on va chercher Kevin Durant. Wow! C'était vraiment incroyable comme année. Et jusqu'à quel point, on peut pas dire que c'est super bon pour la NBA. Là. Mais Danny, tout le monde dit ça. Moi, je pense les séries ont été très ordinaires, d'abord, premièrement. Non, mais ça a été quand même le fun. Pour moi, t'as des équipes. C'est aux organisations à se décider, mais pour moi, je pense pas que ce qu'on peut dire, le côté dans l'Est, on a dominé avec les Cavaliers, dans l'Ouest avec les Warriors. Tout le monde savait qu'ils seraient en finale. C'est peut-être pour Las Vegas que c'est moins intéressant, ceux qui prennent des paris, OK? mais pour moi, ça a été une saison spectaculaire quand même. Parce que je me rappelle très bien parce qu'on passe à la semaine quand on arrive aux séries éliminatoires, nos chroniques, puis tu me disais souvent, ben là, il reste plus qu'à attendre la finale, là. C'est walking. Ouais. Tu sais, c'était ça que tu me disais. C'était pas intéressant, là. Faut pas dire que c'est extraordinaire. Ben, c'est pas intéressant ou non, mais pour moi, il y a eu quelques jeux qui ont été spécifiques pour les Warriors, ce qui a fait qu'ils ont gagné, mais si Durant manque son 3 points à Cleveland, on a peut-être une série différente. Fait que c'était quand même pas Ils n'ont pas battu les Cavaliers 4-0 par 20 points. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais puis ils ont dû s'ajuster pendant la saison. C'était, pour moi, des organisations qui ont été capables d'aller chercher les joueurs qu'ils voulaient aller chercher, qui ont été capables de bien manœuvrer dans les années antérieures pour être capables de du côté de Cleveland, d'aller chercher LeBron James pour son retour, d'aller signer Kevin Love. Kyrie Irving était déjà là. Du côté des Warriors, le fait d'être capable d'aller chercher, de développer Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, et puis on ajoute un gars comme Kevin Durant, et on était financièrement capable de le faire. C'est assez spectaculaire. Fait que ça démontre qu'il y a des organisations, Danny, qui ne font pas le boulot. Ouais. Il y a des organisations qui le font. Et en ce moment, les Warriors de Golden State font un très, très bon boulot. Ouais, c'est sûr. C'est des années. Il y a des années. Mais je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a pas de surprise. Ben non, il n'y a aucune surprise. Il n'y a aucune suspense. Ça va penser match. Souvent, ça va penser match. Regarde, je regarde ici, là, 4-1. Cavaliers contre Celtics, 4-0 Warriors. Tu regardes les demi-finales, il y a les Celtics contre les Warriors 4-3, ça c'était bon. Cavaliers Raptors, on va parler des Raptors dans quelques instants, 4-0. 4-0 Golden State Utah. Tu sais, c'est pas... Mais moi, comme personne de basket, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça, voir ça. Oui, il n'y a pas de surprise. C'est aux autres organisations à faire la job. C'est aussi simple que ça. Oui. Parlons des Raptors. 4-0. Est-ce que c'était une saison 2016-2017? Écoute, je pense qu'on s'attendait à mieux que ça du côté des Raptors. Hein? Mais les attentes sont... C'était la demi-finale, barre. Rien de moins. Là. Ouais. Puis, ils se sont fait passer par les Celtics. Ils ont mis la barre haute. Et je pense qu'on s'attendait de voir Toronto en finale de l'Est. L'organisation, tout le monde, eux, je pense qu'ils se voyaient même capables de peut-être battre les Cavaliers. Peut-être qu'on a sous-estimé un peu les Celtics de Boston. Mais je pense que Toronto, tu sais, si on prend un recul, Danny, ils sont sur la bonne voie. Là. Oh. C'est toujours des saisons d'au-dessus de 50 victoires, tout ça. Mais là, c'est parce qu'éventuellement, les attentes, ce fait qu'on veut plus. Là. Je pense que cette année... Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va se fermer tantôt. Cette année, c'est très important. On a quand même fait des échanges. On a été chercher Serge Ibaka. On a été chercher des joueurs solides. Mais je pense que en ce moment, les attentes, la barre, elle est haute. Et puis pour moi, ça a été un petit peu décevant. J'aurais aimé mieux les voir perdre en finale qu'en demi-finale. Ouais, c'est clair. Finale de conférence, tu parles. Ouais, absolument. OK, ils ont été passés par les Celtics de Boston, les Celtics qui dans la division Ouest. Cette finale-là, ça avait été 4-0, on en a parlé. Je veux te parler des transactions majeures qui sont survenues. Il y en a toute une, hein? Kyle Irving contre Isaiah Thomas, il n'y a personne qui l'a vu venir. On entendait parler, je voyais sur les blogs, on parlait que peut-être que Kyle Irving était malheureux d'être derrière LeBron James. Mais ça a été une transaction jusqu'à maintenant très favorable aux Cavaliers, la preuve pour Cavaliers, mais aux Celtics. La preuve, c'est qu'ils ont toutes qu'une fiche. Deuxièmement, Isaiah Thomas va commencer, moi, ce qu'on enregistre l'entrevue, à jouer dans le G League. Cette transaction-là a été faite parce que Thomas va devenir joueur autonome. Si Thomas n'est pas joueur autonome, est-ce que cette transaction-là se fait? Je ne suis pas sûr. Hein? Ben, tu as raison. Contrat à long terme. Je pense que cette transaction-là, elle a été. Danny Ainge a quand même fait quelque chose d'assez intéressant. Isaiah Thomas. Match d'étoiles, meilleur joueur des Celtics, toute une saison. On sait qu'il a donné son cœur et âme à l'organisation. Sa sœur, elle est malheureusement morte dans un accident d'auto. Mm. Il a joué le match avant de joindre sa famille. Il a joué le match la journée, je pense, après que ça soit arrivé. Ça, je me rappelle très bien, oui, c'est vrai. Et je pense que Boston fait quand même, après une saison où ils ont réussi à finir premier dans l'Est, ils ont échangé Isaiah Thomas et Avery Bradley. Ils ont fait un ménage. Kelly Olynyk, tout le monde est parti. Ouais. Ouais, on a gardé Horford, on a gardé Brown, on a gardé Rozier, on a gardé, si je me trompe pas, Marcus Smart. Donc, pour moi, ce qui est intéressant de voir, c'est que Daniel, j'ai quand même fait quelque chose d'assez spectaculaire d'être capable d'aller chercher non seulement Kyrie Irving, mais Gordon Hayward. Mais tu sais quoi? Du côté de Kyrie Irving, je pense pas qu'il était frustré de jouer avec LeBron James. Je pense qu'il s'est dit, moi, c'est le temps que j'ai mon équipe à moi. Ouais. Je veux pas être le petit frère de quelqu'un. Tu sais, avec les Cavaliers, là, la personne qui prenait le plus de tirs, c'est Kyrie Irving. Ouais. Plus que LeBron James. La personne à qui on donnait la balle à la fin des matchs. LeBron James passait le ballon à Kyrie Irving. Je pense que lui, il voulait être le LeBron James de son équipe. Aussi simple que ça. Parce qu'on sait très bien que LeBron était le joueur dominant sur tous les aspects du match. Et je pense que Kyrie Irving voulait démontrer, voulait aller ailleurs. De se joindre aux Celtics, qui est quand même une organisation prestigieuse dans la NBA, je pense que c'était un bon choix. C'était simple. Et puis, tu sais, Danny, depuis le début de l'année, les deux meilleurs marqueurs au quatrième quart sont LeBron James et Kyrie Irving. Ouais. La première et deuxième place dans l'Est, c'est Boston-Cleveland. Okay. À quelque part, ils se sont pas nuits. Tu sais, des fois, un joueur vedette qui est une organisation, ça baisse, là. Fait que je pense que ça a été un début plus difficile du côté de Cleveland, du fait qu'ils sont beaucoup plus vieux. C'est l'équipe la plus vieille dans la NBA. Mm. Fait que ça a pris un certain temps à s'ajuster à la vitesse, au conditionnement. Mais en ce moment, les deux organisations, ils font un boulot spectaculaire. Un début de saison, après la défaite de Boston contre justement Cleveland, Boston, je pense qu'ils ont gagné 13 ou 14 victoires de suite. Mais là, ça s'est ajusté. Là, 1 et 2, c'est Boston et Cleveland. Donc, une bonne échange pour les deux organisations. Et ça serait intéressant de voir ce que Isaiah Thomas peut apporter. Puis s'il apporte beaucoup, est-ce que le Brown va rester à Cleveland? Parce que Danny, tu sais très bien que la vraie discussion dans la NBA en ce moment, part les playoffs, c'est est-ce que le Brown va quitter Cleveland? Moi, je t'ai déjà dit il n'y a pas longtemps que je pense qu'il va rester. Mm. Il est super. La femme de Dwayne Wade, elle a dit que les deux, c'est comme des petits-enfants, ils sont super heureux d'être ensemble à Cleveland. Et je pense que Dwayne Wade avec Chicago, il donne 25 millions, il reçoit 1 million par Cleveland, il peut signer des contrats du salaire minimum puis rester à Cleveland une année ou deux encore. Selon moi, je pense que LeBron James va rester encore à Cleveland. OK, OK. Moi, je le vois pas. C'est ma chicane, là. Je le vois pas ailleurs. C'est drôle. Il l'a fait une fois, je verrai pas pourquoi. Mais par contre, c'est drôle, hein. Je le vois à Los Angeles avec les Lakers. Parce que, tu sais. Non, pas. Je pense pas parce que écoute, la seule autre équipe qui pourrait se joindre, selon moi, c'est peut-être les Rockets de Houston. Ouais, ben, ils ont déjà montré. La fenêtre des Rockets de Houston, elle est là pour peut-être battre les Warriors. Mais pourquoi tu vas quitter l'Est pour aller te battre contre non, c'est parce que tu vas jouer contre les Warriors avant de rentrer en finale dans l'Ouest, tu comprends? LeBron, c'est parce que les Lakers, ils ont des jeunes, Danny. Ils ont des jeunes. C'est loin les championnats avec les Lakers. Fait que c'est pas des jeunes qui veulent LeBron James, c'est des jeunes vétérans. Je sais pas si tu comprends la différence. Ouais, mais ce que je te dis, c'est que les Lakers, c'est les Yankees de New York. Non, LeBron s'en fout de ça. OK, OK. C'est sûr que t'es plus connaissant que moi, pas mal. LeBron ne se joindra pas aux Lakers pour perdre. Il va se joindre aux Lakers si, je te donne un exemple, Paul George s'en va avec Los Angeles. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il va pas se joindre à une équipe. LeBron, il est à sa 15e saison dans la NBA. Avec des statistiques, Danny, tu sais bien qu'ils sont phénoménales. Je vais t'en parler dans la première chronique de l'année. On ne développera pas le sujet, là. Faut se prendre une note, là, dans la première chronique qu'on vient des fêtes, là, parce que c'est l'actualité. Il y a eu un reportage sur Basketball USA, c'est le français, qu'on se posait la question, est-ce que James peut battre Abdul-Jabbar? Ça va être la première question que je vais. C'est un sujet qu'il faut le développer en 2010, je trouvais ça intéressant, mais là, on n'a pas le temps. Pascal, On n'a pas le temps, Pascal, mais on va revenir tout de suite après les fêtes là-dessus. Je veux te parler du côté d'une grande nouvelle pour le basketball canadien en 2017. Ils ont battu les Américains. T'sais, on l'a dit souvent, là, le Canada, ça s'en vient sur la planète basket. Et il y a un jeune qui s'appelle R.J. Barrett qui a été dominant à ses championnats. Je pense que c'est U19, puis c'est un gars de 17 ans. Il était incroyable. Et le Canada a battu les Américains. Ça, c'est la plus grande, je pense, victoire du basketball canadien. Ben, je pense que c'est pas la première fois qu'on bat les États-Unis. Ouais, mais dans un championnat de même. Ouais, mais d'être champion mondial dans une catégorie, ça s'est jamais vu au Canada. Mm. On est conscient, Danny, que la vague des Canadiens maintenant qui joue à un haut niveau, non seulement aux universités américaines, mais aussi dans la NBA. Là, c'est ouvert, là, la porte des Canadiens. Murray, Ennis, Corey Joseph, Wiggins. Tristan Thompson, Wiggins. Mais Murray, en passant, Danny, c'est une chance d'aller voir ce qu'il fait. Là. Ouais. Wow, je suis tellement impressionné par ce jeune joueur-là. Là. Dans la NBA, là, il écoute, mais la prochaine star, c'est R.J. Barrett. Son père a joué pour l'équipe canadienne. C'est, je pense que son parrain, c'est Steve Nash. Son père, Rowan Barrett, est un ami, probablement le meilleur ami de Steve Nash. RJ Barrett, maintenant, je pense qu'il a signé avec... est-ce que c'est Duke, Danny? Est-ce que oui, je me trompe? C'est Duke, ça, oui, c'est ça. Il s'en va jouer à Duke. Ouais. Donc, on est conscient qu'il va aller jouer là seulement une saison. Là. Ouais. Il va faire une saison à Duke. Mais écoute, il a été le joueur du championnat mondial, facilement considéré le meilleur 17-18 ans au monde en ce moment. Je vais dire 17 ans parce que le meilleur 18 ans, c'est un jeune... Zion Williamson? Non, il y a un jeune qui joue en Europe depuis que 13 ans. Okay. Luka Doncic à 18 ans, c'est un meilleur joueur de basket que Zion. Zion Williamson joue contre des petits enfants, là. Ah oui, là. On parle potentiellement de ce jeu. Je pense que c'est un... Je veux dire serbe, là, mais je ne veux pas me tromper. Mais Luka Doncic. Je vais aller voir sur NBA Draft.net. Luka Doncic, en ce moment, est considéré probablement le premier choix repêchage. Même avec Marvin Bagley de Duke, là, il y a 18 ans, il y a une saison phénoménale. Et lui, il joue dans une ligue qui est considérée la deuxième meilleure ligue après la NBA, meilleure que la G League. Okay. Et il y a seulement 18 ans, là, c'est tout un joueur de basket. Il y en a même en Europe qui compare cette saison un peu comme LeBron James. Parce qu'il fait vraiment tout, là, dunk, passe, dribble, shoot la 3 points, probablement un meilleur tireur de 3 points que LeBron était même dans ses premières saisons dans la NBA. Donc, c'est vraiment le joueur à surveiller, selon moi, qu'on ne connaît pas vraiment ici en Amérique du Nord. Là, mais il y a plein... Écoute, chacun de ces matchs, il y a 5-6 recruteurs NBA qui sont à ces matchs en ce moment en Europe. Je suis surpris parce qu'actuellement, Luka Doncic, c'est ça que tu dis? Il est classé sur NBADraft.net par Memphis au troisième rang. On dit que DeAndre Ayton va sortir jusqu'à maintenant d'Arizona, va sortir premier, et Marvin Bradley de Duke sortirait deuxième. Et juste donner une idée, tout dépendamment de qui va avoir le premier choix, ça va rentrer dans les nécessités. Mais honnêtement, les deux noms que tu m'as nommés, c'est Luka et le meilleur joueur. OK. De basket. Juste une idée pour 2019, le repêchage actuellement, R.J. Barrett est classé premier, Cameron Reddish deuxième, Bo Bol, ça c'est le fils à Manute Bol, ça, troisième, Zion Williamson est actuellement classé quatrième. Alors, ça va être tout à coup un repêchage en 2019. C'est toute une cuvée. Pascal, puisqu'il est question de repêchage, 2017, c'était le repêchage. C'était actuellement, au moment où je parle, c'est qui a le meilleur. Parce que là, c'est Marco Fultz. Lonzo Ball, on en parle beaucoup, mais c'est pas parce qu'il est sur le terrain. Fultz, tu peux l'oublier. Okay. Lonzo connaît. Si c'était pas de son père, on parlerait de lui en très bien. Non. Ouais. Il connaît. Écoute, 9 points par match. Ouais. Si je me trompe pas, à peu près 6 rebonds, 4 aides. C'est correct. Comme c'est un meneur qui partant dans la NBA à ta première saison, il fait la job, là. Mais pour moi, la recrue de l'année, qui est pas vraiment une recrue, là, mais qui est vraiment spectaculaire, c'est Ben Simmons des 76ers. À 6 pieds 10, il est après démontré. Je pense qu'il va devenir, lorsqu'il va être capable de prendre un tir extérieur, là, c'est juste ça qui fait qu'on parle pas de lui dans la même phrase que LeBron James. Parce que, écoute, athlétique, fort physiquement, un passeur à la LeBron James en ce moment, c'est probablement, selon moi, avec Donovan Mitchell, les deux meilleurs recrues cette saison. Donovan Mitchell, qui est un joueur pour les Jazz de Utah, qui est vraiment spectaculaire. Mais Ben Simmons, selon moi, c'est la recrue de l'année. OK. Maintenant, on va faire une pause, Pascal, si tu permets. On va aller dans une seconde, puis on va parler du March Madness, puis on va te demander qu'est-ce que tu prévois pour 2018. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective de la NBA sur les ondes de DanRadioSport.com. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418 276-95-95 ou variétélcr.ca. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivité. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 418-679-3339. Bonjour, ici Léa et Clara. Nous sommes la sixième génération de chez Salaison Vaisson. C'est nous qui sommes responsables des communications. Une tâche nous a été confiée cette année. Nous avons l'honneur de vous souhaiter les vœux du temps des fêtes. Au nom de Salaison Vaisson, nous vous souhaitons bonheur, amour et prospérité pour la nouvelle année. Ayons la force de croire en nos rêves afin de les réaliser. À tous nos parents, clients et amis, nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne année. Parce que si c'est pas Besson, c'est pas aussi bon! Alors, on est de retour à DanLazoSport.com. Pascal, on va faire une brève échéance vers le March Madness. Et il y a Carolina qui a battu Gonzaga 71-65. Gonzaga, ça a été longtemps dominé. Par contre, on disait tout le temps, Gonzaga, il joue dans une division faible. Il joue dans le WAC, puis c'est faible. Finalement, c'est quand ils jouent March Madness, ils ont réussi, je pense, à faire mentir leur réputation. Ben, je dirais pas que c'est faible. Oui, leur conférence n'est pas une des meilleures, ouais. Mais depuis plein d'années, non seulement ils compétitionnent à un niveau, c'est considéré comme un major. Aux États-Unis, on a comme trois catégories. Tu as les major programs, ouais. Tu as ce qu'on appelle mid-major, ouais. Qui rentre dans la. Gonzaga serait considéré dans le mid-major, puis tu as ce que j'appelle le reste. OK? Ouais. Mais Gonzaga, depuis plusieurs années, est considéré comme un major. À chaque année, il y a un gars ou deux qui sont dans la NBA. Kelly Olynyk a joué là, si je ne me trompe pas. On a toujours des gars, le fils de Arvydas Sabonis, Domantas, qui joue maintenant pour les Pacers de l'Indiana, vient de Gonzaga. Il y a toujours des joueurs pro. C'est pas loin de San Francisco, hein, Gonzaga. Hein? Ouais, c'est ça. C'est l'école de John Stockton. Okay. C'est probablement le plus gros nom de cette école-là, même encore aujourd'hui, qui a joué avec Carmelo avec les Jazz de Utah. Oh, je m'en rappelle très bien. Dans les années 90, c'était les deux. C'était le duo dynamique des Jazz de Utah. Pascal, 2018 dans la NBA, est-ce que ça va être un walk in the park encore avec Golden State ou tu vois quelqu'un se faufiler et ça pourrait être très, très intéressant? Moi, je pense que les Rockets de Houston, en ce moment, vont être très durs à battre. Et la chimie entre James Harden et Chris Paul est là. Elle est bien installée. Capella, qui est un excellent centre pour eux autres, un Nene, qui est le backup de Capella, Ryan Anderson, la magie de Mike D'Antoni. Mike D'Antoni, l'entraîneur, c'est lui qui était l'entraîneur de Steve Nash à l'époque. Où on appelait ça l'attaque de 7 secondes. En ce moment, là, je pense qu'on prend 30 à 35 tirs de 3 points par match. Du côté de Houston, ils ont la meilleure fiche dans la NBA. Moi, je pense que l'arrivée de Chris Paul a amené une maturité, un leadership à cette équipe-là. Et je pense qu'en série, c'est l'équipe que tu ne veux pas jouer. Et je suis convaincu. Est-ce qu'ils vont battre les Warriors? Ça va être dur, mais ils sont capables. On va avoir des séries. Les Spurs, là, on n'en parle pas. Ils ont passé la saison sans Tony Parker, sans Kawhi Leonard. Ouais. Ils sont quand même en troisième ou quatrième place. On n'en parle même pas. Là. C'est comme si on les oubliait. Mais wow, ils font tout un... Greg Popovich, encore une fois, fait un travail phénoménal d'incorporer les jeunes. Aldridge connaît probablement sa meilleure saison depuis qu'il est avec San Antonio. C'est quand même une équipe à surveiller. L'Ouest va être difficile. Dans l'Est, je pense que ça va se jouer entre Boston et Cleveland encore. Puis les Raptors qui pourraient souffler, à moins qu'il y ait à la limite des transactions qu'on ajoute en quelque chose. Danny, oui. Danny, cette année, moi, je suis convaincu. Tout le monde me dit que je suis dans le champ. Je suis convaincu que Boston, que Toronto est capable de battre soit Cleveland, soit Boston sur une série de 7, là, parce qu'ils ont le personnel. Est-ce qu'ils ont la mentalité? Est-ce qu'ils ont l'étoffe? Mais je pense qu'au niveau de personnel, en ce moment, là, on domine presque tous les matchs qu'on joue, là. Kyle Lowry, DeMar DeRozan, ils sont établis, ils sont prêts. T'ajoutes Serge Ibaka, t'ajoutes CJ Miles, que je trouve phénoménal. C'est toute une équipe en ce moment, Toronto. Et tu sais quoi, cette année, c'est leur année. Il faut absolument qu'ils cognent à la porte. Tu veux pas jouer Toronto avant la finale. L'équipe qui va jouer Toronto risque d'avoir de la misère cette année. Moi, je pense que Toronto sont capables de se rendre en finale. Est-ce que Dwayne Casey, ça pourrait être la fin de Dwayne Casey si jamais, parce que là, Casey, ça fait plusieurs années, là, ce qu'on appelle une fenêtre, là. Est-ce que ça pourrait être la fin pour Dwayne Casey? C'est drôle, parce que pourquoi changer? Il fait la job. Ouais, c'est sûr. Là, je veux dire, Popovich, il a pas toujours gagné des championnats. Il y a une année, première ronde, il a perdu contre Memphis. Après ça, il a perdu contre Denver. Je veux dire, son travail, il n'a jamais été. On est dans l'ère de. Si tu gagnes pas, tu gardes ta job. Là, tu commences à gagner. Ah ben là, il faut que tu gagnes le championnat. Ouais. Puis si tu le gagnes dans un an ou deux, tu mets dehors. T'es quasiment mieux de tenir à 500 puis de jamais faire peur à personne. Fait que un peu comme le coach des 76ers maintenant. Ouais. Lui, il est là depuis quelques années. Là, il y a une équipe qui risque de faire les séries. Et ouais, est-ce que avec des choix premier ronde comme ils ont eu, c'est assez, là, des premiers choix. S'ils ne font pas les séries, là, ils vont avoir l'impression que Philadelphie est une ville dure. Selon moi, si on perd en première ronde, peut-être que tu as raison, Danny. Peut-être que son travail va être à Dwayne Casey. Mais moi, je pense qu'il fait un excellent boulot là-bas, coach Casey. Pascal, il me reste qu'à te remercier encore une fois. Ça fut fort agréable. T'es pas mal. On est très assidu basketball. On est pas mal le média qui parle le plus de basket au Québec. Il m'a dit en affaire. On en parle pas mal avec des podcasts. Puis au plaisir de se reparler en 2017 encore une fois. 2018. Absolument. Bonne année à toi puis à tous tes fans, les gens qui te suivent dans le radio. Fait que merci beaucoup, c'est le fun de parler basket avec toi. Ouais. Pascal Jobin, notre collaborateur de